Voici revenu le moment exquis de ma journée, ou plutôt de ma nuit, puisque je suis encore une fois avec vous. J'en viens à quelque chose de très agréable. De temps en temps, je vois marcher, la main dans la main, un homme de peau noire et une femme de peau blanche, ou le contraire. Le racisme n'est donc pas total à Rome. L'amour parvient à effacer les barrières de la couleur, c'est-à-dire de l'opinion stupide. Il y a donc place à une planète où les différences se complètent. Mais alors, pourquoi, dans notre pays, je n'ai jamais, je dis bien jamais vu un Algérien et une Algérienne, l'un de peau noire et l'autre de peau blanche, ou même brune, marcher ensemble, en se tenant la main, ou, tout au moins, montrant qu'ils sont mariés? Est-on plus raciste en Algérie qu'en Italie, tout en prétendant le contraire? Ma chère maman, j'ai déjà dit que tu es avancée en âge. Mais, à nous, tes enfants, tu as toujours enseigné de privilégier la saine curiosité et la connaissance. Cela m'autorise à te parler d'un thème, a priori pas joyeux, mais que tu jugeras certainement digne de réflexion. En Italie, on n'est pas obligé d'enterrer les morts dans un trou de terre où leur corps pourrit. Il est possible de l'incinérer, et gratuitement, puis d'en conserver les cendres chez soi. Ainsi, chez un ami, qui eut le malheur de perdre son épouse très aimée après 40 années vécues ensemble, j'ai vu, sur le bord de la cheminée du salon, un gracieux petit vase. « Elle est ici, » m'informa-t-il, avec un sourire brillant d'affection où pointait une délicate mélancolie. Cette pratique n'est-elle pas joliment poétique, outre à posséder une utilité précieuse? En effet, elle permet aux morts de rester près des vivants et, en n'utilisant pas de terres cultivables, de contribuer à la continuité de l'existence de ceux qui en jouissent encore. Voici une autre pratique que j'apprécie. Tout citoyen peut, par testament, dédier son corps à la recherche scientifique. N'est-ce pas là un acte qui rend la mort un bienfait pour la vie? Une autre mesure, actuellement en discussion publique, me semble digne d'intérêt. Certains voudraient que tout malade, dont les douleurs sont telles qu'elles lui causent des souffrances intolérables, sans aucun espoir de guérison, que ce malade puisse avoir le droit à une assistance médicale pour se libérer d'une existence désormais réduite uniquement à d'insupportables tourments. Bien que cette proposition puisse choquer vos croyances, comme elle les heurte également ici, n'est-elle pas une expression de compassion? Et ne devrait-on pas accorder à celle-ci la priorité sur toute autre considération? Mon exil m'a été fructueux pour faire une constatation générale. À mon modeste avis, elle résume tout. Si les Occidentaux ont commis des actes indignes d'une civilisation réelle, ils ont, par ailleurs, réalisé des choses dont on gagnerait à s'inspirer dans nos pays. Chez eux, comme chez nous, le bien et le mal existent. Le caillou sur lequel nous vivons tous serait plus agréable si, partout, l'on comprenait que le bien est plus beau que le mal. Ah, si les peuples s'inspiraient les uns les autres pour appliquer ce magnifique principe! Je réfléchissais à ce problème en contemplant un éclatant coucher de soleil. Il colorait le bleu du ciel de chaudes teintes oranges, qui semblaient les lueurs d'un feu de cheminée. Le libre vol d'un groupe de moineaux gazouillants me rapporta en mémoire un fait que j'avais appris quelques jours auparavant. Je vous prie de me pardonner à l'avance, mais je vais vous présenter, comme à mon habitude, une sorte de discours. Je connais votre inquiétude de voir mes propos m'occasionner de mauvaises conséquences. Ne parle pas de politique, m'avez-vous toujours recommandé. J'ai toujours essayé de vous tranquilliser en vous assurant que je ne fais qu'exprimer des réflexions d'ordre éthique. Qui constaterait, dans sa soupe, un cheveu ou un cafard? Doit-il faire semblant de ne pas les voir et manger cette soupe? ma seule intention est de refuser à l'ignorance et au manque de raisonnement de me faire vivre en idiot. Je sais que certaines personnes, pourtant cultivées et se prétendant démocrates, trouvent mes observations dérangeantes, polémiques, contraires à la joie qui devrait être la condition de vivre. Une fois, un homme avancé en âge m'a lancé « Heureusement que tu ne prétends pas à l'art ou à la littérature, car, avec les opinions que tu exprimes, tu serais en dehors de tout art et de toute littérature. L'époque de l'engagement, c'est fini, voilà bien longtemps. » Un autre, plus gentil ou plus diplomate, m'avoue « Bien que je partage tes idées, je ne me sens pas à l'aise à les entendre. Elles me crispent. » Devant ce genre de propos, les considérations de Kafka, mentionnées plus haut, me reviennent à l'esprit. Mais j'aurais voulu donner une autre réponse. Cependant, je ne peux pas l'exprimer ouvertement, même si son auteur est très connu et, apparemment, vénéré. La voici. « Pharisiens hypocrites, vous êtes blancs en dehors et noirs dedans. » Celui qui avait affirmé cette constatation, ces mêmes pharisiens ont organisé son assassinat de la manière la plus infamante, sur une croix. Ils l'ont accusé de tous les maux, faux prophètes, menaces contre l'ordre public, ennemis de l'État. Ils ont même eu l'imposture d'appeler cet État « de droit », sans avouer qu'il s'agissait seulement du droit du plus fort. Voici ce qui m'est arrivé de plus. Je ne sais pas quel adjectif utiliser. À vous de décider après la lecture de l'événement. Je me trouvais à une soirée parmi des intellectuels et d'autres personnes qui avaient la particularité d'être cultivées. Mon amie française m'y avait invitée. C'était la première fois que je rencontrais ce genre de personnes. Toutes et tous ont concrétisé la traditionnelle chansonnette « Di cibo e di buon vino, il ventre sazio e pieno ». De nourriture et de bon vin, le ventre est rassasié et plein. Ils n'ont, cependant, pas remercié le petit Jésus. Cela aurait été injurieux, vu que celui-ci a souvent souffert de la faim, et recommandé aux repus de ne pas oublier les indigents. Puis vint le moment des discussions, de la palabre, selon l'expression africaine. J'écoutais avec attention. C'était la première fois que je me trouvais dans ce genre de milieu. Voici qu'une femme m'accorda son attention. Elle avait une cinquantaine d'années, élégamment habillée. Son visage, plutôt empoté, était, selon moi, excessivement maquillé. « Vous venez d'où ? » demanda-t-elle poliment mais fermement. « D'Algérie. »« Ah ! » s'étonna-t-elle. Pendant qu'elle digérait sa surprise, j'ai compris le motif de sa réaction. Mes modestes habits et l'expression sobre de mon visage contrastaient fortement avec ceux de tous les autres. Tout en moi montrait que je n'étais pas le genre de personne à rencontrer dans ce genre d'assemblée. La dame reprit « C'est la première fois que je rencontre un Algérien. » Elle me fixa ouvertement, sans gêne. J'eus l'impression qu'elle regardait un moustique ou un martien. D'autres se sont intéressés à ce qui était pour eux une étrange présence. Alors j'entendis parler d'immigration. Aïe, aïe, aïe. D'abord fut évoquée celle légale. Elle était comprise et admise, puisque contrôlée par le gouvernement selon des quotas bien définis, conformes aux exigences de l'économie. Puis, dans le riche et convivial salon, sonnèrent les deux mots incongrus. Les deux mots dérangeants, les deux mots exclus de toute convenable conversation, immigration clandestine. Crac. J'eus l'impression que le ciel s'était ouvert, annonçant la fin du monde. Dans un premier temps, les bouches se fermèrent et les visages se glacèrent. Le silence plomba. On aurait entendu marcher une fourmi. Mon amie française me jeta furtivement un coup d'œil pour voir ma réaction. Je la rassurai par mon calme, bien qu'en moi-même j'étais excité de voir les réactions de ces gens bien élevés, comme on dit. Après quelques secondes, qui semblaient une éternité, des lèvres ont bougé, avec des mots choisis, politiquement corrects, selon l'expression consacrée. L'immigration illégale fut vigoureusement condamnée. J'en fus blessé, bien entendu, malgré le fait que j'étais un immigré venu régulièrement, mais je ne le fis pas apparaître. En tout cas, je m'y efforçais. On demanda mon avis. Ouïouïouï. Vite, j'ai mis en action mes méninges, au niveau maximum, alerte rouge. En prenant le temps de réfléchir, j'ai examiné attentivement les yeux de mes interlocuteurs. Ils semblaient transformés en membres d'un jury de tribunal. J'ai compris ce dont ils avaient besoin, du traditionnel complice indigène, de l'immigré légal, qui justifie leur opinion et tranquillise leur conscience. Mon amie française me jeta un deuxième discret regard. Il me priait de faire attention à ce que j'allais dire. Elle ne me connaissait pas suffisamment. Je n'avais pas eu l'occasion de l'informer que j'étais un disciple convaincu du brave Don Quichotte. Sans même son armure ni sa lance, je défendais quiconque était humilié, même dans les situations désespérées. Alors, j'ai décidé de montrer le cafard qui gigotait dans la soupe. J'ai répliqué, avec le maximum de calme et de simplicité, en appuyant convenablement sur les mots, étant donné le contenu du propos. Quelqu'un a dit, je cite fidèlement, « Ce riche inhumain a dépouillé le pauvre parce qu'il ne l'a pas revêtu. Il l'a égorgé cruellement parce qu'il ne l'a pas nourri. » On aurait dit qu'une avalanche de neige s'était brusquement abattue sur le salon, provoquant un glacial silence. Je m'y attendais. Plus que ça, tu meurs, aurait dit un jeune faisant partie de ce qu'un président français avait appelé la racaille. Entre parenthèses, cet ex-président était un enfant d'immigré, eh oui, de l'Est européen, mais immigré quand même. Glissons. Dans le salon, les regards hésitaient entre la stupeur et l'indignation, tempéré seulement par la règle sacro-sainte de l'éducation. Finalement, la maîtresse de maison pointa sur mon amie française des yeux qui semblaient demander « Mais quel type as-tu introduit ici ?» Je n'ai pas voulu regarder ma compagne. Je l'imaginais embarrassée, mais je n'étais pas inquiet, car je savais qu'elle aimait par-dessus tout la vérité. Un homme se leva et vers moi s'avança, me surplombant. Il avait la soixantaine d'années, le corps imposant, l'expression sévère et le regard de vipère, l'aspect bien sûr de lui. Il bénéficiait visiblement du respect de tous. Il s'adressa à moi d'un ton condescendant, cachant mal son irritation. « La phrase que vous avez prononcée, qui en est l'auteur ?» Une voix répondit à ma place, avec dédain, « Certainement quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités. Quel mot !» « Quelle exagération! Vous vous rendez compte ?»« Quel manque de retenue !» confirma une autre voix. Des rires discrets accompagnèrent ces jugements. « C'est un de vos amis qui est l'auteur de la phrase ?» insista la dame. « Non, » répondis-je tranquillement. « Qui, alors ?»« Un évêque. » À ce mot, plusieurs « Oh !» firent écho. « Vous voulez dire un prêtre ouvrier ?» voulut savoir l'homme sûr de lui dont le ton n'interrogeait pas, mais affirmait. Non, pas du tout, l'auteur est un aristocrate. Aristocrate ? S'étonna la dame près de moi. Aristocrate ? Répétèrent d'autres. Oui, son nom, commanda l'homme hautain. Bossuet. C'est un Africain alors, un prêtre africain, déclara une femme d'une voix soulagée. Non, un Français. Un Français ? Questionna une femme. J'ai précisé. Un écrivain et homme religieux du XVIIe siècle, certains le considèrent le plus grand orateur de tous les temps. La dame reçut l'information comme un marteau qui lui serait tombé sur le crâne. Elle se reprit, une phrase aussi crue, aussi dure, aussi, je ne sais comment la définir, dite par un tel homme. Vous êtes sûr qu'il en est l'auteur ? Certain. J'ai voulu m'offrir le plaisir de donner une petite leçon à toutes ces personnes, si imbues d'elles-mêmes. J'ai ajouté, ce n'est pas l'évêque et le français qui ont prononcé cette phrase, mais un cœur et un esprit pleinement dignement, profondément humain, tout simplement. Je désirais, ensuite, plaisanter, mais à demi, avec un sourire. Cette phrase, je viens de la faire immigrer clandestinement dans ce beau salon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je savais très bien que, dans ce lieu, je ne serais plus invité. C'était facile à deviner. Mais le bon vieux chevalier de la Manche aurait été content de moi. C'était le plus important. Et voici ce qui aurait procuré un autre plaisir aux fiers combattants contre les moulins à vent. Une jeune femme, une trentaine d'années, décidément belle, aux yeux bien ouverts et clairs, jusque-là silencieuse, me proposa, avec une douceur mêlée de chaleur, « Voulez-vous répéter la phrase, s'il vous plaît ?» Des « Oh non, non, non !» fusèrent, comme pour chasser une mauvaise odeur. « Eh bien, insista-t-elle avec un gracieux aplomb, je vous prie de me l'écrire. » L'homme hautain apostropha presque sévèrement la jeune femme. « Francesca, qu'est-ce qui te prend ?» Les regards de Francesca et les miens se rencontrèrent. Nous nous étions compris. Chers parents, sœurs et frères, à l'opposé du sultan qui écoutait Scheherazade parce qu'il souffrait d'insomnie, moi, travailleur manuel que je suis, j'ai besoin d'aller au lit. Alors, à demain.